Que l'on sonne ici, que l'on sonne ailleurs. On est tous des ch'timis, sang et or dans le cœur. On a de la fierté, de l'honneur, de la chance de porter les couleurs du Racing Club de Lens. If you're born around here, welcome for a new start. In the north, never fear, blood and gold's in your heart. Land of hope, land of chance, best supporters and friends. We're just one family, the Racing Club de Lens. Chacun le respect au nom de tous les tiens.